Chapitre 1er de Femmes inconnues. L'hiver de 1784, ce monstre qui dévora un sixième de la France, nous n'avons pu, quoiqu'il grondât aux portes, le voir chez monsieur le duc de Richelieu, enfermé que nous étions dans cette salle à manger si chaude et si parfumée. Un peu de givre aux vitres, c'est le luxe de la nature ajouté au luxe des hommes. L'hiver a ses diamants, sa poudre et ses broderies d'argent pour le riche, ensevelis sous sa fourrure, ou calfeutré dans son carrosse, ou emballé dans les ouates et les velours d'un appartement chauffé. Tout frimat est une pompe, tout intempérie un changement de décor, que le riche regarde exécuter à travers les vitres de ses fenêtres par ce grand et éternel machiniste que l'on appelle Dieu. En effet, qui à chaud peut admirer les arbres noirs et trouver du charme aux sombres perspectives des plaines embaumées par l'hiver? Celui qui sent monter à son cerveau les sueurs parfums du dîner qui l'attend peut humer de temps en temps, à travers une fenêtre entr'ouverte, l'âpre parfum de la bise et la glaciale vapeur des neiges qui régénèrent ses idées. Celui enfin qui, après une journée sans souffrance, quand des millions de ses concitoyens ont souffert, s'étend sous un édredon, dans des draps bien fins, dans un lit bien chaud, celui-là, comme cet égoïste dont parle Lucrèce et que glorifie Voltaire, peut trouver que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Mais celui qui a froid ne voit rien de toutes ces splendeurs de la nature, aussi riche de son manteau blanc que de son manteau vert. Celui qui a faim cherche la terre et fuit le ciel sans soleil et par conséquent sans sourire pour le malheureux. Or, à cette époque où nous sommes arrivés, c'est-à-dire vers la moitié du mois d'avril, 300 000 malheureux, mourant de froid et de faim, gémissaient dans Paris seulement, dans Paris où, sous prétexte que nulle ville ne renferme plus de riches, rien n'était prévu pour empêcher les pauvres de périr par le froid et par la misère. Depuis ces 4 mois, un ciel d'airain chassait les malheureux des villages dans les villes, comme d'habitude l'hiver chasse les loups des bois dans le village. Plus de pain pour ceux qui supportaient le froid, plus de bois pour cuire le pain. Toutes les provisions faites, Paris les avait dévorées en un mois. Le prévôt des marchands, imprévoyant et incapable, ne savait pas faire entrer dans Paris, confié à ses soins, 200 000 cordes de bois disponibles dans un rayon de 10 lieues autour de la capitale. Il donnait pour excuse, quand il gelait, la gelée empêche les chevaux de marcher. Quand il dégelait, l'insuffisance des charrettes et des chevaux. Louis XVI, toujours bon, toujours humain, toujours le premier frappé des besoins physiques du peuple, dont les besoins sociaux lui échappaient plus facilement, Louis XVI commença par affecter une somme de 200 000 livres à l'allocation de chariots et de chevaux, puis ensuite il mit les uns et les autres en réquisition forcée. Cependant, la consommation continuait d'emporter les arrivages. Il fallait taxer les acheteurs. Nul n'eut le droit d'enlever d'abord du chantier général plus d'une voie de bois, puis plus d'une demi-voie. On vit alors la queue s'allonger à la porte des chantiers, comme plus tard on devait la voir s'allonger à la porte des boulangers. Le roi dépensa tout l'argent de sa cassette en aumônes, il leva 3 000 000 sur la recette des octrois, et appliqua ces 3 000 000 au soulagement des malheureux, déclarant que toute urgence devait céder et se taire devant l'urgence du froid et de la famine. La reine, de son côté, donna 500 louis sur les épargnes. On convertit en salle d'asile les couvents, les hôpitaux, les monuments publics, et chaque porte cochère s'ouvrit à l'ordre de ses maîtres, à l'exemple de celle des châteaux royaux, pour donner accès dans les cours des hôtels à des pauvres qui venaient s'accroupir autour d'un grand feu. On espérait gagner ainsi les bons dégels. Mais le ciel était inflexible. Chaque soir, un voile de cuivre rose s'étendait sur le firmament. L'étoile brillait sèche et froide comme un falot de la mort. Et la gelée nocturne condensait de nouveau dans un lac de diamants la neige pâle que le soleil du midi avait un instant liquéfiée. Pendant le jour, des milliers d'ouvriers, la pioche et la pelle en main, échafaudaient la neige et la glace le long des maisons, en sorte qu'un double rempart épais et humide obstruait la moitié des rues, déjà trop étroites pour la plupart. Carrosses pesants, roues glissantes, chevaux vacillants et abattus à chaque minute, refoulaient sur ces murs glacés le passant exposé au triple danger des chutes, des chocs et des écroulements. Bientôt, les amas de neige et de glace devinrent tels que les boutiques en furent masquées, les passages bouchés, et qu'il fallut renoncer à enlever les glaces, les forces et les moyens de Charroi ne suffisant plus. Paris, impuissant, Savoie vaincue, et laissa faire l'hiver. Décembre, janvier, février et mars se passèrent ainsi. Quelquefois, un dégel de 2 ou 3 jours changeait en un océan tout Paris dépourvu d'égouts et de pentes. Certaines rues, dans ces moments-là, ne pouvaient être traversées qu'à la nage. Des chevaux s'y perdirent et se noyèrent. Les carrosses ne s'y hasardèrent plus, même au pas. Ils se fussent changés en bateaux. Paris, fidèle à son caractère, chansonna la mort par le froid, comme il avait chansonné la mort par la famine. On alla en procession aux halles pour voir les poissardes débiter leurs marchandises et courir le chaland avec d'énormes bottes de cuir, des culottes dans leurs bottes et la jupe retroussée jusqu'à la ceinture, le tout en riant, gesticulant et s'éclaboussant les unes les autres dans les marécages qu'elles habitaient. Et comme les dégels étaient éphémères, comme la glace succédait plus opaque et plus opiniâtre, comme les lacs de la veille devenaient un cristal glissant le lendemain, les traîneaux remplaçaient les carrosses et couraient, poussés par des patineurs ou traînés par des chevaux ferrés à pointe, sur les chaussées des rues, changés en miroirs unis. La Seine, gelée à une profondeur de plusieurs pieds, était devenue le rendez-vous des oisifs qui s'y exerçaient à la course, c'est-à-dire à la chute, aux glissades, au patinage, aux jeux de toutes sortes, enfin, et qui, échauffés par cette gymnastique, couraient au feu le plus voisin, dès que la fatigue les forçait au repos, pour empêcher la sueur de geler sur leurs membres. On prévoyait le moment où les communications par eau étant interrompues, où les communications par terre étant devenues impossibles, on prévoyait le moment où les vivres n'arriveraient plus, et où Paris, ce corps gigantesque, succomberait faute d'aliments, comme ces monstres cétacés qui, ayant dépeuplé leur canton, demeurent enfermés par les glaces polaires et meurent d'inanition, faute d'avoir pu, par les fissures, s'échapper, comme les petits poissons leur proie, et gagner des zones plus tempérées, des eaux plus fécondes. Le roi, dans cette extrémité, assembla son conseil. Il y décida qu'on exilerait de Paris, c'est-à-dire que l'on prierait de retourner dans leur province les évêques, les abbés, les moines trop insoucieux de la résidence. Les gouverneurs, les intendants de province, qui avaient fait de Paris le siège de leur gouvernement, enfin les magistrats qui préféraient l'opéra et le monde à leur fauteuil fleur-de-lysée. En effet, tous ces gens faisaient grosses dépenses de bois dans leurs riches hôtels, tous ces gens consommaient beaucoup de vivres dans leurs immenses cuisines. Il y avait encore tous les seigneurs de terre provinciale que l'on inviterait à s'enfermer dans leurs châteaux. Même ce Lenoir, lieutenant de police, fit observer au roi que tous ces gens n'étant pas des coupables, on ne pouvait les forcer à quitter Paris du jour au lendemain, que par conséquent, il mettrait à se retirer une lenteur résultant à la fois du mauvais vouloir et de la difficulté des chemins, et qu'ainsi le dégel arriverait avant qu'on eût obtenu l'avantage de la mesure, tandis que tous les inconvénients s'en seraient produits. Cependant, cette pitié du roi qui avait mis ses coffres à sec, cette miséricorde de la reine qui avait épuisé son épargne, avait excité la reconnaissance ingénieuse du peuple qui consacra par des monuments, éphémères comme le mal et comme le bienfait, la mémoire des charités que Louis XVI et la reine avaient versées sur les indigents. Comme autrefois, les soldats érigeaient des trophées au général vainqueur avec les armes de l'ennemi dont le général les avait délivrées, les Parisiens, sur le champ de bataille même où ils luttaient contre l'hiver, élevèrent donc au roi et la reine des obélisques de neige et de glace. Chacun y concourut. La manœuvre donna ses bras, l'ouvrier son industrie, l'artiste son talent, et les obélisques s'élevèrent élégants, hardis et solides, à chaque coin des principales rues, et le pauvre homme de lettres, que le bienfait du souverain avait été cherché dans sa mansarde, apporta l'offrande d'une inscription rédigée plus encore par le cœur que par l'esprit. À la fin de mars, le dégel était venu, mais inégal, incomplet, avec des reprises de gelée qui prolongeaient la misère, la douleur et la faim dans la population parisienne, en même temps qu'elle conservait debout et solide les monuments de neige. Jamais la misère n'avait été aussi grande que dans cette dernière période. C'est que les intermittences d'un soleil déjà tiède faisaient paraître plus dures encore les nuits de gelée et de bise. Les grandes couches de glace avaient fondu, et s'était écoulé dans la Seine débordant de toutes parts. Mais au premier jour d'avril, une de ces recrudescences de froid dont nous avons parlé se manifesta. Les obélisques, le long desquels avait déjà coulé cette sueur qui présageait leur mort, les obélisques, à moitié fondus, se solidifièrent de nouveau, informes et amoindris. Une belle couche de neige couvrit les boulevards et les quais, et l'on vit les traîneaux reparaître avec leurs chevaux fringants. Cela faisait merveille sur les quais et sur les boulevards. Mais dans les rues, les carrosses et les cabriolets rapides devenaient la terreur des piétons qui ne les entendaient pas venir et qui, souvent empêchés par les murailles de glace, ne pouvaient les éviter. Enfin qui, le plus souvent, tombaient sous les roues en essayant de fuir. En peu de jours, Paris se couvrit de blessés et de mourants. Ici, une jambe brisée par une chute faite sur le verglas. Là, une poitrine enfoncée par le brancard d'un cabriolet qui, emporté dans la rapidité de sa course, n'avait pu s'arrêter sur la glace. Alors, la police commença de s'occuper à préserver des roues, ceux qui avaient échappé au froid, à la faim, aux inondations. On fit donc payer des amendes aux riches qui écrasaient les pauvres. C'est qu'en ce temps-là, règne des aristocraties, il y avait aristocratie même dans la manière de conduire les chevaux. Un prince du sang se menait à toute bride et sans cri égard. Un duc et pair, un gentilhomme et une fille d'opéra, au grand trot. Un président et un financier, au trot. Le petit maître, dans son cabriolet, se conduisait lui-même comme à la chasse, et le jockey, debout derrière, criait « Gare !» quand le maître avait accroché ou renversé un malheureux. Et puis, comme dit Mercier, se ramassait qui pouvait. Mais en somme, pourvu que le Parisien vit de beaux traîneaux au col de cygne courir sur le boulevard, pourvu qu'il admira dans leurs pelisses de Marthe ou d'Hermine les belles dames de la cour entraînées comme des météores sur les sillons reluisants de la glace, pourvu que les grelots dorés, les filets de pourpre et les panaches de chevaux amusassent les enfants échelonnés sur le passage de toutes ces belles choses, le bourgeois de Paris oubliait l'incurie des gens de police et les brutalités des cochers, tandis que le pauvre, de son côté, du moins pour un instant, oubliait sa misère, habitué qu'il était encore en ce temps-là à être patronné par les gens riches ou par ceux qui affectaient de l'être. Or, c'est dans les circonstances que nous venons de rapporter, 8 jours après ce dîner donné à Versailles par M. de Richelieu, que l'on vit, par un beau mais froid soleil, entrer à Paris 4 traîneaux élégants, glissant sur la neige durcie qui couvrait le cours La Reine et l'extrémité des boulevards à partir des Champs-Élysées. Hors Paris, la glace peut garder longtemps sa blancheur virginale, les pieds du passant sont rares. À Paris, au contraire, 100 000 pas à l'heure déflorent vite, en le noircissant, le manteau splendide de l'hiver. Les traîneaux, qui avaient glissé à sec sur la route, s'arrêtèrent d'abord au boulevard, c'est-à-dire dès que la boue succéda aux neiges. En effet, le soleil de la journée avait amolli l'atmosphère, et le dégel momentané commençait. Nous disons momentané, car la pureté de l'air promettait pour la nuit cette bise glaciale qui brûle en avril les premières feuilles et les premières fleurs. Dans le traîneau qui marche en tête se trouvaient 2 hommes vêtus d'une houppelande brune en drap avec un collet double. La seule différence qu'on le remarqua entre les 2 habits, c'est que l'un avait des boutons et des brandebourgs d'or et l'autre des brandebourgs de soie et des boutons pareils aux brandebourgs. Ces 2 hommes, traînés par un cheval noir dont les naseaux soufflaient une épaisse fumée, précédaient un second traîneau sur lequel ils jetaient de temps en temps les yeux comme pour le surveiller. Dans ce second traîneau se trouvaient 2 femmes si bien enveloppées de fourrure que nul n'eût pu voir leur visage. On pourrait même ajouter qu'il eût été difficile de dire à quel sexe appartenaient ces 2 personnages, si on ne les eût reconnus femmes à la hauteur de leur coiffure, au sommet de laquelle un petit chapeau secouait ses plumes. De l'édifice colossal de cette coiffure enchevêtrée de nattes, de rubans et de menus joyaux, un nuage de poudre blanche s'échappait, comme l'hiver s'échappe un nuage de givre des branches que la bise secoue. Ces 2 dames, assises l'une à côté de l'autre et tellement rapprochées que leurs sièges se confondaient, s'entretenaient sans faire attention aux nombreux spectateurs qui la regardaient passer sur le boulevard. Nous avons oublié de dire qu'après un instant d'hésitation, elles avaient repris leur course. L'une d'elles, la plus grande et la plus majestueuse, appuyait sur ses lèvres un mouchoir de fine batiste brodée, tenait sa tête droite et ferme, malgré la bise que fendait le traîneau dans sa course rapide. 5 heures venaient de sonner à l'église Sainte-Croix d'Antin, et la nuit commençait à descendre sur Paris, et avec la nuit, le froid. En ce moment, les équipages étaient parvenus à la porte Saint-Denis à peu près. La dame du traîneau, la même qui tenait un mouchoir sur sa bouche, fit un signe aux 2 hommes de l'avant-garde qui distancèrent le traîneau des 2 dames en pressant le pas du cheval noir. Puis, la même dame se retourna vers l'arrière-garde, composée de 2 autres traîneaux conduits chacun par un cocher sans livrée, et les 2 cochers, obéissant de leur côté au signe qu'ils venaient de comprendre, disparurent par la rue Saint-Denis, dans la profondeur de laquelle ils s'engouffrèrent. De son côté, comme nous l'avons dit, le traîneau des 2 hommes, gagna sur celui des deux femmes et finit par disparaître dans les premières brumes du soir qui s'épaississaient autour de la colossale construction de la Bastille. Le second traîneau, arrivé au boulevard de Ménilmontant, s'arrêta. De ce côté, les promeneurs étaient rares, la nuit les avait dispersés. D'ailleurs, en ce quartier lointain, peu de bourgeois se hasardaient sans falot et sans escorte. Depuis que l'hiver avait aiguisé les dents de 3 ou 4 000 mendiants suspects, changés tout doucement en voleurs. La dame que nous avons déjà désignée à nos lecteurs comme donnant des ordres, toucha du doigt l'épaule du cocher qui conduisait le traîneau. Le traîneau s'arrêta. « Bébert, » dit-elle, « combien vous faut-il de temps pour amener le cabriolet où vous savez ?»« Madame, prend le cabriolet ?» demanda le cocher avec un accent allemand des mieux prononcés. « Oui, je reviendrai par les rues pour voir les feux. Or, les rues sont encore plus brusques que les boulevards, et on roulerait mal en traîneau. Et puis, j'ai gagné un peu de froid. Vous aussi, n'est-ce pas, petite ?» dit la dame s'adressant à sa compagne. « Oui, madame, » répondit celle-ci. « Ainsi, vous entendez, Bébert ?» Où vous savez, avec le cabriolet. Bien, madame. Combien de temps vous faut-il? 1 demi-heure. C'est bien. Voyez l'heure, petite. La plus jeune des deux dames fouilla dans sa pelisse et regarda l'heure à sa montre avec assez de difficulté, car nous l'avons dit, la nuit s'épaississait. 6 heures moins un quart, dit-elle. Donc, à 7 heures moins un quart, Bébert. Et en disant ces mots, la dame sauta légèrement hors du traîneau, donna la main à son amie, et commença de s'éloigner, tandis que le cocher, avec des gestes d'un respectueux désespoir, murmura assez haut près d'être entendu de sa maîtresse « Imprudence ! Ach, mein Gott, quelle imprudence !» Les deux jeunes femmes se mirent à rire, s'enfermèrent dans leur pelisse, dont les collets montaient jusqu'à la hauteur des oreilles, et traversèrent la contre-allée du boulevard en s'amusant à faire craquer la neige sur leurs petits pieds chaussés de fines mules fourrées. « Vous qui avez de bons yeux, André, » fit la dame qui paraissait la plus âgée, et qui, cependant, ne devait pas avoir plus de 30 à 32 ans. Essayez donc de lire à cet angle le nom de la rue. « Rue du Pont aux Choux, madame, » dit la jeune femme en riant. « Quelle rue est-ce là, rue du Pont aux Choux ? Ah, mon Dieu, mais nous sommes perdus ! Rue du Pont aux Choux ! On m'avait dit la deuxième rue à droite !»« Mais sentez-vous, André, comme il fait bon le pain chaud ?»« Ce n'est pas étonnant, » répondit sa compagne. « Nous sommes à la porte d'un boulanger. »« Eh bien, demandons-lui où est la rue Saint-Claude ?» Et celle qui venait de parler fit un mouvement vers la porte. « Oh, n'entrez pas, madame !» fit vivement l'autre femme. « Laissez-moi !»« La rue Saint-Claude, mes mignonnes dames ?» dit une voix enjouée. « Vous voulez savoir où est la rue Saint-Claude ?» Les deux femmes se retournèrent en même temps, et d'un seul mouvement, dans la direction de la voix, elles virent, debout et appuyées à la porte du boulanger, un gindre, un ouvrier boulanger, affublé de sa jaquette, et les jambes et la poitrine découvertes, malgré le froid glacial qu'il faisait. « Oh, un homme nu !» s'écria la plus jeune des deux femmes. « Sommes-nous donc en Océanie ?» Il fit un pas en arrière et se cacha derrière sa compagne. « Vous cherchez la rue Saint-Claude ?» poursuivit le mitron, qui ne comprenait rien au mouvement qu'avait fait la plus jeune des deux dames et qui, habitué à son costume, était loin de lui attribuer la force centrifuge dont nous venons de voir le résultat. « Oui, mon ami, la rue Saint-Claude, » répondit l'aînée des deux femmes en comprenant elle-même une forte envie de rire. Oh, ce n'est pas difficile à trouver, d'ailleurs, je vais vous y conduire, reprit le joyeux garçon enfariné, qui, joignant le fait à la parole, se mit à déployer le compas de ses immenses jambes maigres, au bout desquelles s'emmanchaient de savates larges comme des bateaux. Non pas, non pas, dit l'aînée des deux femmes, qui ne se souciait sans doute pas d'être rencontrée avec un pareil guide. Indiquez-nous la rue sans vous déranger, et nous tâcherons de suivre votre indication. « Première rue à droite, madame, » répondit le guide en se retirant avec discrétion. « Merci, » dirent ensemble les deux femmes. Ils se mirent à courir dans la direction indiquée, en étouffant leur rire sous leurs manchons.